بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخوض المسألة 19 بعد 100 في سورة الحج 119 مسألة. بقوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Dans le sens où Allah dit que certes un jour pour ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Al-Hajj, verset 47. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. وكذلك قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Donc ce noble verset prouve que un jour auprès d'Allah Azza wa Jal équivaut à 1000 ans pour nous. Également dans sa parole où il dit qu'il contrôle le décret depuis le ciel vers la terre, ensuite il remonte vers lui en un jour, dont l'équivalent, qui équivaut plutôt à 1000 ans de ce que vous comptez. Al-Sajda, verset 5, pour sa nation. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك هي قوله تعالى في سورة سأل سائل قال تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Et deux versets sont venus qui s'opposent justement à cela, qui disent le contraire de cela, ou plutôt qui disent autre chose que cela. Comme dans Sourate al-Ma'arij, lorsqu'il dit, dans le sens Allah Azza wa Jal, que les anges montent vers lui ainsi que le ruh, vers lui en un jour qui équivaut à 50 000 ans. En un jour qui équivaut à 50 000 ans. Verset 4, Al-Ma'arij. قال اعلم اولا ان ابا عبيده روى عن اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب ابن ابي مليكه انه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن مسيب سئل عن هذه الايات فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا ادري. Donc déjà en premier lieu, faut savoir que déjà comme ibn Abbas radhiyallahu anhu et Saïd ibn Musayyib ont été interrogés à propos de ces versets, qu'ils ont dit « je ne sais pas ». قال وللجم بينهما وجهان. Il dit qu'il est possible de lier entre ces deux versets de deux façons. الأول ما هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك أو السماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم ألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة ومقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى يوم الخميس ألفا وهو يوم طيب ويوم الخمسين ألفا ويوم القيامة. Donc déjà il fut rapporté par Ibn Abu Hatim sur Ibn Abbas qu'il a dit que le jour qui équivaut à 1000 ans dans Sourate al-Hajj, c'est l'un des six jours dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Le jour cité qui équivaut à 1000 ans est l'un des six jours dans lesquels Allah azza wa jal a créé les cieux et la terre. Et quant à celui qui équivaut à 1000 ans Sourate al-Sajda, la prosternation, c'est l'équivalent, c'est le temps que prendra justement à monter le décret vers lui. Ça prendra l'équivalent de 1000 ans. C'est un jour près d'Allah Azza wa Jal, c'est équivalent à 1000 ans. Donc ce jour-là où il a créé les cieux et la terre, c'est un jour. Le jour où le ruh et le décret remontent vers lui, c'est l'autre jour, c'est autre chose. Et le jour qui équivaut à 50 000 ans, ça c'est l'un des jours qui est Yom al-Qiyama, le jour de la résurrection. C'est un troisième jour. Donc en fait, ces trois versets ne s'opposent pas. Ils sont tout simplement chacun à des moments différents. قال أوج الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة لأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر يدل لها قوله تعالى وذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. Donc il dit également, on peut donner comme réponse, tout simplement, que cette période varie en fonction du hal, du mu'min et du kafir. Comme le prouve le pardon là dans le sens où il dit dans son surat Al-Muddathir, verset 10 à 9 à 10, lorsqu'il dit, il s'agit là d'un, ce jour-là, d'un jour vraiment difficile, hein, vraiment difficile et vraiment pénible pour le kafir. قال ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى. Et que ces deux réponses ont été citées par Sahib al-Itqan, et que la science est auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà ces deux réponses qu'il a données. Donc là, comment expliquer par rapport aux paroles de Ibn Abbas au Sa'd ibn Musayyib ? Allahu a'lam. En tout cas, par la suite, une autre réponse est venue d'Ibn Abbas radiallahu anhu par rapport à ça. Peut-être que ce fut un temps où il ne connaissait pas la réponse et que par la suite il l'a eu. Allah alam. Si jamais quelqu'un voit le hasard d'Ibn Abbas et de Salim Sayyid disant je ne sais pas, puis celui cité par Ibn Abi Hatim, où Ibn Abbas explique ces jours-là, la'allahu stabsara dhalika fi ma ba'd. Peut-être qu'il a compris la chose par la suite. En tout cas, le chien, l'auteur ne le cite pas cela. Mais juste ici pour savoir que si demain quelqu'un voit Ibn Abbas dire je ne savais pas, c'est aussi une chose qu'il a vraiment dite. Naam. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillah bil alamin.